Le prophète Daniel. La première page du livre de Daniel nous reporte à l'an 605 avant Jésus-Christ. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis que les 10 tribus du royaume d'Israël ont été déportées en captivité vers la Syrie. C'est maintenant au tour des ressortissants de Juda de connaître la guerre et la menace de l'exil. Jérusalem ne sera détruite par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qu'en 586. Mais maintenant déjà, son armée campe aux portes de la ville. Il se contente alors d'humilier Juda en emmenant à Babylone un certain nombre de captifs, choisis parmi les familles nobles, et en particulier quelques jeunes gens qu'il veut attacher à son service dans son palais. Nous lisons Daniel 1, 3 à 6. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Daniel et ses compagnons étaient donc les victimes innocentes de bouleversements internationaux. Mais ils ne se sont pas découragés, et si les circonstances qui leur étaient imposées allaient à l'encontre de leurs aspirations nationales ou religieuses, leur foi en l'Éternel, le Dieu d'Israël, est demeurée intacte. Et voilà pourquoi, dès son arrivée à Babylone, Daniel a refusé d'épouser les pratiques idolâtres des Chaldéens. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel 1, 8. Ces mets et ce vin avaient sans doute été offerts aux divinités païennes avant qu'on les apporte sur la table. Daniel et ses compagnons n'ont donc pas seulement refusé un régime alimentaire, mais le culte mythologique et les festivités idolâtres de la cour impériale. Or, cette attitude d'intégrité a honoré Dieu qui s'est plu à agir en faveur de ses enfants. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens qui étaient dans tout son royaume. Daniel 1, 17 et 20. Et c'est ainsi que Nebuchadnezzar a fait prospérer Daniel et ses compagnons, leur confiant d'importantes responsabilités à la cour. Daniel a même accédé aux fonctions de premier ministre, Daniel 2, 48, poste qu'il a conservé longtemps. Et après une période d'éviction sous le roi Belshazzar, il a retrouvé cet office qu'il a occupé à nouveau sous la domination perse pendant les règnes de Darius et de Cyrus, Daniel 6, 3 et 28. C'est comme si, en cette période de disgrâce d'Israël, Dieu avait voulu qu'un témoignage soit rendu à son nom par une personnalité de premier plan placée à la tête des gouvernements babyloniens et perses. Nebuchadnezzar, Darius et Cyrus ont établi Daniel au-dessus des chefs de la province de Babylone et surtout le royaume. Mais c'était avant tout Dieu qui l'avait placé là et l'a employé comme son messager auprès des dignitaires de l'époque comme auprès des populations païennes. Il fallait que chacun sache que le Tout-Puissant contrôle les événements internationaux et qu'en dernier ressort, il en décide le cours. Écoutons ce que Nebuchadnezzar lui-même a dû reconnaître à ce sujet. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» Daniel 4, 35. Bien qu'histoire et prophétie aillent de pair tout au long du livre de Daniel, on peut diviser celui-ci en 2 sections, l'une surtout historique, l'autre surtout prophétique. Les chapitres 1 à 6 racontent des faits survenus dans la région de Babylone. Récit saisissant où le prophète dépend de son Dieu, chapitre 1er. Interprète les songes du roi, chapitres 2 et 4. Et surtout transmet le verdict du Tout-Puissant à Nebuchadnezzar. Et plus tard, chapitre 5, à Belshazzar. Mais tout serviteur de l'Éternel doit être prêt à exposer sa vie pour témoigner de sa foi. C'est le cas des trois compagnons de Daniel qui, parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue d'or élevée par Nebuchadnezzar, sont jetés dans la fournaise ardente, puis miraculeusement délivrés. Chapitre 3. C'est aussi l'expérience de Daniel, dénoncée par des hommes jaloux, qui oblige le roi Darius à le jeter dans la fosse aux lions. Chapitre 6. Mais là encore, Dieu prend soin de son témoin qui, après une nuit passée dans la fosse aux lions, peut affirmer « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Daniel 6, 22. Certains commentateurs ont désigné la deuxième section du livre de Daniel comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament, tant elle rappelle le dernier livre du Nouveau Testament, par son caractère, comme par le langage symbolique employé, et surtout par les descriptions d'événements lointains aboutissant au triomphe final de Christ. Du reste, il est difficile de saisir le sens des prophéties de Daniel sans le complément inspiré de l'Apocalypse de Jean. Et les révélations accordées à Daniel sont d'un grand secours pour interpréter l'Apocalypse. Daniel 7 reprend le grand thème que le prophète a amorcé au chapitre 2 lorsqu'il a raconté et interprété le premier songe de Nebuchadnezzar. Sous les traits d'une statue, Dieu avait alors annoncé au monarque la succession des quatre grands empires de l'Antiquité qui ont dominé 10 siècles d'histoire. Tête d'or, poitrine d'argent, hanche d'airain, jambes de fer et d'argile. Ces quatre matériaux préfigurant respectivement les empires babyloniens, perses, grecs et romains. Et au chapitre 7, Dieu confirme cette révélation à Daniel, ces quatre empires apparaissant symboliquement sous la forme de quatre animaux, un lion, un ours, un léopard et un monstre terrifiant. Ajoutons que, tant au chapitre 2 qu'au chapitre 7, Dieu montre que les ambitions démesurées des puissances politiques convergeront vers une suprême révolte. Mais alors, le Tout-Puissant interviendra, frappant les peuples de son jugement et instaurant le règne messianique de son Fils sur les nations. Ce sujet est abondamment repris dans les chapitres 8 à 12, où Dieu révèle à Daniel les circonstances terribles de la domination de l'Antéchrist, ce super dictateur qui organisera demain sur le plan mondial le dernier soulèvement de l'humanité contre le Dieu suprême. Et Dieu permet, en quelque sorte, la préfiguration de cet événement important, ou si vous préférez, sa répétition générale, mais à une échelle réduite, lorsqu'au IIe siècle avant l'ère chrétienne, Antiochus Épiphane, roi de Syrie, persécute les Juifs et profane leur temple. Abomination de la désolation. C'est ainsi que Daniel désigne ce sacrilège 300 ans avant sa réalisation. Et Jésus-Christ reprendra ce terme pour décrire les actes blasphématoires de l'Antéchrist. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Matthieu 24, 15. Ce passage trouvera son plein accomplissement lorsque l'Antéchrist, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Toutes les prophéties de Daniel, et surtout celles qui sont à longue portée, se dessinent sur l'arrière-fond d'événements historiques qui se sont déroulés entre le 5e et le 2e siècle avant l'ère chrétienne. Daniel décrit les guerres qui ont dressé la Syrie contre l'Égypte et toutes les vexations que les armées d'occupation ont fait subir aux Juifs de Palestine. Dans les chapitres 8, 9 et 11, le prophète annonce l'enchaînement de ces événements avec tant de précision que certains théologiens n'ont pas voulu croire que ces chapitres ont été rédigés 3 siècles avant leur accomplissement et ont même refusé qu'ils soient de la plume de Daniel, tout simplement parce qu'ils nient le caractère surnaturel de l'inspiration verbale des Écritures. Mais leurs arguments ne sont guère convaincants, d'autant plus que Daniel a pris soin de dater ses prophéties et de les intégrer dans leur contexte historique. si Daniel a annoncé les empires de l'Antiquité et même l'Antéchrist, il a aussi parlé de Christ. Il est même le seul prophète qui ait annoncé avec précision l'année de la mort du Messie. Il a vu les événements de l'avenir se dérouler en 70 semaines d'années, chapitre 9, dont 69 appartiennent pour nous déjà au passé, et seule la 70e est encore à venir. Ces 69 semaines d'années correspondent à 483 ans, qui, partant de la proclamation de l'empereur perse Artaxerxès ordonnant la reconstruction de Jérusalem, aboutissent à l'an 29 de notre ère, année probable de la crucifixion de Christ. Daniel était serviteur de Dieu à l'endroit où Dieu l'avait placé comme témoin, et il transmettait les paroles du Seigneur à ceux à qui elles étaient destinées. C'est au point que les messages décrivant les bouleversements internationaux ont été primitivement rédigés en araméen, la langue principale de l'Empire de Babylone à l'époque, chapitre 2 à 7, alors que les prophéties regardant plus particulièrement l'avenir du peuple juif ont été écrites en hébreu, chapitre 1 et chapitre 8 à 12. Chrétiens qui êtes à l'écoute, en autant de la fin, Dieu a besoin de votre témoignage là où vous êtes et dans un langage que les autres comprennent, c'est-à-dire dans une vie chrétienne authentiquement vécue. Suivez en cela les traces de Daniel. Sachez à votre tour refuser les souillures du monde et agir fidèlement selon la parole de Dieu, proclamant bien haut le triomphe final de Jésus-Christ sur l'Antéchrist. Seriez-vous sur le point de céder au découragement, aux tentations subtiles de l'ennemi des âmes, à l'esprit du monde et aux fausses persuasions du séducteur? Seriez-vous en train de vous laisser neutraliser par un genre de léthargie spirituelle? Ressaisissez-vous et relevez-vous. Dieu a dit à Daniel, « Tiens-toi debout à la place où tu es. » Daniel 10, 11. Et le dernier mot qu'il a adressé à son fidèle serviteur est aussi de nature à nous encourager. « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Daniel 12, 13. Que Dieu nous fasse la grâce d'être debout. C'était là la conclusion de l'avertissement prophétique du Seigneur Jésus à ses disciples sur le mont des Oliviers. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse.